بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا اليوم في هذا الدرس سورة التين وهي سورة مكية. Aujourd'hui, on va aborder la sourate At-Tin et c'est une sourate qui a été révélée durant la période mécoise. فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى, elle dit après la basmala, elle dit وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينِ, par le figuier et l'olivier, par le mont Sinin, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, et par cette cité sûre, لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, certes, nous avons créé l'être humain avec la forme la plus parfaite. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, puis nous l'avons renvoyé au niveau le plus bas. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ, sauf ceux qui ont eu la foi et qui ont accompli des actes de piété, alors ceux-ci auront une récompense ininterrompue. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ, alors après tout cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Et donc, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Allah n'est-il pas le plus sage des juges et celui dont son jugement est au-dessus des autres? Et donc, dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa tini wa zaytoun, par le figuier et l'olivier, قال أهل العلم إن الله تبارك وتعالى أقسم بهما لكثرتهما في أرض فلسطين. الله تبارك وتعالى. Donc les gens de science, ils ont dit que Allah تبارك وتعالى, il a juré par ces deux arbres, le figuier et l'olivier, à cause du fait qu'ils sont très nombreux, ils sont en grande quantité sur la terre de Palestine. En Palestine, ils sont très nombreux, donc ces arbres-là sont en grande quantité. Et cet endroit, c'est le lieu où il y a eu la prophétie de Isa, fils de Maryam. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa turi sinin, par le mont Sinin, ce qui est voulu par là, donc le mont Sinaï. Wa hadha huwa al-jabal alladhi kallama Allah fihi Musa, c'est la montagne sur laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a parlé à Moussa. Wa hadha al-balad al-amin, et par cette cité sûre, fa hadha al-makan huwa Mecca, c'est la Mecque, wa huwa mahallu nubuwati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, c'est le lieu où a débuté la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi hadha إشارة إلى هؤلاء الأنبياء الثلاث ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء. Et donc il y a dans cela une allusion à ces trois prophètes, ces trois nobles prophètes, et parmi eux notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, qui est le meilleur des prophètes. وإليكم هذه الآية min al-kitab al-muqaddas. Et donc je vais vous citer maintenant un verset tiré de la Bible. Min al-ahd al-qadim, de l'Ancien Testament. Le Deutéronome chapitre 33 verset 2. Le Deutéronome chapitre 33 verset 2. Il dit: l'Éternel est venu du Sinaï. L'Éternel est venu du Sinaï, donc la montagne, le mont Sinaï, où Allah tabaraka wa ta'ala a fait révélation à Moussa. Et donc l'Éternel est venu avec sa révélation du mont Sinaï. Il s'est levé sur eux de Seir. Seir, Seir en arabe, c'est une montagne en Palestine. Et même Ibn Kathir rahimahullah qui nous dit Jebel al-Masjid al-Aqsa, c'est la montagne où se trouve donc cette mosquée sacrée. Et donc c'est une montagne en Palestine qui s'appelle comme ça. Et c'est l'endroit de la prophétie de Isa alayhi salam. Et ensuite on continue dans le verset. Il resplendit de la montagne de Paran. Il resplendit de la montagne de Paran ou Paran. Et ça, c'est une montagne qui est à la Mecque. C'est une montagne qui est à la Mecque. فقال علماء المسلمين إن هذه الآية من التوراة من المبشرات بمجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Et donc les savants musulmans, ils ont dit que ce verset biblique, ce verset de la Torah, fait partie des versets qui annoncent la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il est cité tout d'abord la montagne sur laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a fait révélation à Moussa, puis la montagne qui est en Palestine, le lieu de révélation de Isa, et puis une montagne à la Mecque. Une montagne à la Mecque, cela qui était cité donc avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi les savants musulmans disent que ce verset biblique fait partie des versets bibliques qui annoncent la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala kullin. فالله تبارك وتعالى أشار إلى هؤلاء الأنبياء الثلاث في هذه الآية القرآنية لفضلهم وعلو مكانتهم. Et dans tous les cas, Allah تبارك وتعالى, il a fait allusion à ces trois prophètes, ces trois nobles prophètes dans ce verset coranique, et cela dû à leur haut rang et aussi donc et cela est dû aussi à leur grand mérite. Alayhi musallat wa salam. Fa aqsama Allah ta'ala bi hadhihi al-umur. Et donc Allah, il a juré par ces éléments qu'on vous a cités précédemment. At-tin, le figuier, wa zaytoun, l'olivier, wa tur Sinin, le mont Sinin. Wa kadhalika bil balad al-amin. Et aussi il a juré par donc bi hadha al-balad al-amin, par cette cité sûre. فأقسم بها على أمر مهم لا بد من التنبه له. Il a juré par ces éléments-là pour parler de quelque chose, d'un sujet très important sur lequel il est important d'y méditer, d'y réfléchir. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Nous avons créé l'être humain avec la forme la plus parfaite. فَالْإِنسَانُ خَيْرُ الْمَخْلُوقَاتِ عَلَى الْأَرْضِ. Et donc l'être humain est la meilleure des créatures sur cette terre. La meilleure des créatures sur cette terre. Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé selon la meilleure forme. فخلقه الله تبارك وتعالى في أحسن هيئة وأحسن خلقة. Allah تبارك وتعالى lui a accordé la meilleure forme et lui a accordé la meilleure création. يمشي على رجليه لا يمشي على بطنه. Il marche sur ses deux pieds, cet être humain. Il ne marche pas sur son ventre. ويمسك الأشياء يمسك ما يشاء بيده. Il a la capacité de prendre, de tenir ce qu'il veut avec ses mains. وَجَعَلَهُ اللَّهُ بَصِيرًا مُتَكَلِّمًا. Et Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à cet être humain la vue et la capacité de parler. وَغَيْرُهَا مِنْ نِعَمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلَّتِ أَنْعَمَ بِهَا لَلْإِنسَانِ. Et autre que cela parmi les bienfaits qu'Allah a accordé à l'être humain. وهذه النعم تستلزم الشكر لكن أكثر الناس يكفرون بالرحمن. Et tous ces bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordés à l'être humain dans sa création impliquent que l'être humain remercie son Seigneur. Cependant, la grande majorité des gens mécroient au Rahman, mécroient à Allah tabaraka wa ta'ala, le tout miséricordieux. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit après cela, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ. Puis nous l'avons renvoyé au niveau le plus bas. Aïe, ce qui est voulu par là, النار, le feu. Le niveau le plus bas, c'est le feu. اِسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ فَجُوزُوا بِالْعَذَابِ الْمُهِينَ. Ils se sont remplis d'orgueil sur la terre. Ils furent donc rétribués par le châtiment avilissant, le châtiment qui va les humilier, les rabaisser. وَقَالَ أَخَرُونَ. On a un deuxième avis pour ce verset. Ce verset qu'on vient de citer, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ. Puis nous l'avons renvoyé au niveau le plus bas. Il y a un deuxième avis. قَالَ أَخَرُونَ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْعَلَّامَةِ ابن العثيمين رحمه الله إن المراد بهذه الآية أن الله تبارك وتعالى يرد الإنسان إلى أرذل العمر. Il dit ce qui est voulu par là, c'est que Allah تبارك وتعالى va renvoyer la personne, l'être humain après cela, vers l'âge le plus difficile, ou donc la vieillesse. Al-Haram. La vieillesse, c'est ce qui est voulu par là, il dit, Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à l'être humain la forme la plus parfaite, et ensuite il le renvoie à donc l'âge le plus difficile, où les choses sont difficiles, marcher devient difficile, même la communication devient très difficile, c'est l'âge de la vieillesse. لكن الإمام ابن كثير رحمه الله رد على هذا القول ورجح القول الأول. Cependant, l'imam Ibn Kathir رحمه الله dans son tafsir, il a répliqué à cet avis et il a cité que l'avis le plus juste c'est le premier. Donc le plus bas niveau c'est l'enfer, c'est pas la vieillesse. Ce qui est voulu par le plus bas niveau c'est l'enfer. Il a expliqué قال ابن كثير رحمه الله أن السبب في ذلك في هذا الاختيار أن الله تبارك وتعالى استثنى المؤمنين من ذلك. Il a dit que Allah تبارك وتعالى a fait sortir les croyants de cela, parce qu'il a dit Allah تبارك وتعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Puis nous le renvoyons au niveau le plus bas, sauf exception faite de ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes actions. Il dit Ibn Kathir rahimahullah, لو كان الحرم هو المراد يصاب به المؤمن والكافر. Il dit Ibn Kathir rahimahullah, si c'est la vieillesse qui est voulue par là dans ce verset, cela n'est pas correct. Pourquoi? Parce que la vieillesse, c'est quelque chose qui va toucher les croyants et les incroyants. On a des croyants qui sont touchés par la vieillesse, et on a des incroyants qui sont touchés par la vieillesse aussi. Et donc, il dit, ce n'est pas ce qui est voulu par ce verset, mais ce qui est voulu par ce verset, Asfal al-Safilin, le niveau le plus bas, c'est l'enfer. Idhan al-Mu'minun la yadkhuluna an-nar. Et donc, les croyants ne rentrent pas dans le feu. Wa in dakhalu fiha لِمَا فَعَلُوا مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي فَلَا يَخْلُدُونَ فِيهَا. Et donc les croyants ne rentrent pas dans le feu, mais s'ils y rentrent, alors ils n'y restent pas éternellement. S'ils y rentrent à cause des péchés qu'ils ont accomplis ici-bas, ils n'y resteront pas éternellement. وَلَهُمْ أَجَلٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Et ils auront une récompense ininterrompue. أَيُّهَا النَّاسِ لِمَا نَتْعَبْ لِهَذِهِ الدُّنْيَا. Oh mes frères, pourquoi est-ce qu'on se fatigue pour ce bas monde? Alors que tout ce qu'il y a sur ce bas monde est voué à disparaître. Oh mon frère, qu'est-ce qui t'empêche de faire la hijra? Qu'est-ce qui t'empêche d'émigrer? Ce salaire que tu touches va s'interrompre un jour, et ça c'est impératif. C'est obligatoire. Ce salaire que tu touches va s'arrêter. إذن احرص يا أخي على هذا الأجر الذي لا ينقطع أعده الله للمتقين. Et donc efforce-toi, ô mon frère, de rechercher cette récompense qui ne s'interrompt pas. Une récompense que Allah tabaraka wa ta'ala a préparée pour les pieux. وفي هذه الآية وجوب العمل وأنه لا يكفي للإنسان أن يقول إنه مؤمن ولا يعمل. Il y a dans ce verset le caractère obligatoire d'œuvrer. Et qu'il n'est pas suffisant à l'être humain de dire qu'il est croyant mais qu'il n'œuvre pas. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Sauf ceux qui ont eu la foi et qui ont accompli de bonnes actions. Combien nous disent « Alhamdoulilah, j'ai la foi, Alhamdoulilah, croyant, etc. » Noyé dans les péchés. « Yahi, tu es croyant, œuvre. »« Wa amilu salihat. »« Wa amilu salihat. » Tu ne trouves pas « Illa alladhina amanu wa amilu sayyiat. » Sauf ceux qui ont eu la foi et qui ont accompli de mauvaises actions. Non. Allah tabaraka wa ta'ala, tout le temps, il incite les croyants à accomplir de bonnes actions parce que c'est ce qui est conforme à la foi. C'est ce qui est conforme à la foi. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Fama yukadzibuka ba'du bid-din. » Alors après tout cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge ?« Ma huwa alladhi yahmiluka ala takdhib bil-ba'th wal-jaza'. » Qu'est-ce qui te fait traiter la résurrection et la rétribution de mensonges. Wa qad ra'aita kull hadhihi al-ayat, et si tu as vu tous ces signes. Alaysat al-i'adatu ay i'adat al-khalq ashal min al-khalq al-awwal. Est-ce que la résurrection n'est-elle pas plus facile que la première création? Tu le vois de tes yeux, cette première création. Et donc sache que la résurrection est bien plus facile que la première création. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il finit cette sourate en disant Alayhisallahu bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Et celui, attention à ce rajout dans la traduction, et celui dont son jugement est au-dessus des autres. فالله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. Allah Ta'ala ne fait injustice à personne. ويحكم بين عباده بالعدل والحكمة. Et il va juger d'entre ses serviteurs en toute justice et sagesse. وحكمه لا يعارض. Et personne ne peut s'opposer à son jugement. Et c'est pour ça que dans la traduction, j'ai dit que c'est le plus sage des juges et que son jugement est au-dessus des autres. Parce que parmi les ulama, comme Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, qui nous dit que ahkam, comme on a ici ahkamul hakimin, ahkam vient de al-hikma, le fait d'être sage, et aussi de l'hukm, le fait que personne ne peut s'opposer à son jugement, tabaraka wa ta'ala. Wa laysa min al-hikma an yatruka ibadahu wa la yujazihim ala ma sana'u. Il ne fait pas partie de la sagesse qu'Allah tabaraka wa ta'ala laisse ses serviteurs sans les rétribuer. À chaque fois que tu vois ces gens qui te disent « Je crois en une divinité, mais au paradis, à l'enfer, je ne sais pas trop. » Tu lui dis « Mais comment ça, tu crois en cette divinité ? Cette divinité est-elle sage ?» Oui, et donc, est-ce qu'il convient, est-ce que ça fait partie de la sagesse de ne pas rétribuer les serviteurs en fonction de ce qu'ils ont fait ? Celui qui a bien agi est rétribué en fonction, celui qui a mal agi est rétribué en fonction. Même Fidounia en a ça. Même ici-bas, on a ça. Même les koufars, ils le font. Celui qui a mal agi, il va en prison. Celui qui a bien agi, il a une récompense de l'État, etc. Même... Et donc, ça fait partie de la sagesse. Ça fait partie de la sagesse. وَكَذَلِكَ لِيْسَ مِنَ الْحِكْمَةِ أَنْ يُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةِ وَيَتْرُكَ الْكُفَّارِ كَالْتُرَابِ كَمَا يَكُولُهُ أَوْ كَمَا تَكُولُهُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّصَارَى. Et aussi, il ne fait pas partie de la sagesse, le fait de faire rentrer les croyants au paradis et de laisser les incroyants comme de la terre. Comme le disent donc certains parmi les chrétiens, les témoins de Jéhovah, c'est leur aqidah. Il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas d'enfer chez eux. Les incroyants, ils seront poussière. فَهَلْ يَلِيكُ وَهَلْ هُوَ مِنَ الْحِكْمَةِ أَنْ يَتْرُكُ أَنْ يُحَاسِبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى الْكَفَرَ كَمَا يُحَاسِبُ الْبَهَائِمُ الَّتِي لَمْ تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Est-ce que c'est de la sagesse le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala juge les incroyants, les polythéistes de la même façon qu'il a jugé, de la même façon qu'il juge les animaux qui eux ne font pas de polythéisme. Et donc ce n'est pas de la sagesse. Il faut donc qu'on se prépare pour ce moment, ce jour où Allah tabaraka wa ta'ala va faire rentrer les croyants au paradis, ceux qui ont accompli de bonnes actions au paradis, et les pervers, les incroyants en enfer. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une bonne compréhension dans notre religion. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.